T'as Moi, vu le je petit... t'entends très très bien. Non, je le vois pas. Où est-ce qu'il est? Où Bon, est-ce ça c'est qu'il est le déjà bien. micro, un jaune? En haut à gauche, t'as ta piste d'entrée. Et en haut, t'as ton instrument et à côté, il y a un petit Ah oui. microphone. On l'avait utilisé la fois Ok. dernière. Je Je l'ai t'avais coupé. montré. Voilà, là tu l'as branché là maintenant. Ouais, je l'ai coupé. Donc là on est là c'est fait pour Ouais. parler. Par contre, ça désynchronise avec Jam Tabac. Donc il faut faire que quand on parle. Ok. Par contre, dès qu'on joue de la musique, il faut l'arrêter. Il faut dé tu décoches ce truc-là. Vas-y, laisse ça clignote encore. Ok, d'accord. Voilà, je le Vas-y, coupe-le, coupe. enlève-le. Hein. Voilà. Impec. Bon, on essaye Bye Bye Blackbird. Tu veux que je mette une batterie plutôt Ouais, que le dis-moi où métronome? est le Parce que moi, je pense que métronome. je vais... Non, mais Je hé, vais... je l'entends pas le métronome. C'est pas normal. Normalement, tu Je es censé n'entends pas le entendre le métronome. métronome. T'as une roue qui tourne en bas, là. Parce que la dernière fois, Ouais. t'avais dû le muter, tu l'as pas remis. C'est simplement en bas. Il y a marqué métronome tout en bas au milieu. Ouais. Et à côté, il y a Ouais, S pour absolument, solo je quand le tu veux vois. entendre que le métronome. M comme mute, démute-le. Enlève le mute. M. Ok, et je mets S? Alors, c'est Non. bon? Je fais. Non, non, S, c'est pour solo. Tu vas plus t'entendre ton instrument ni ton micro. Tu enlèves tout Ok, simplement le truc. alors je vais monter le Et volume. il tourne là, ou pas? C'est bon, fallait que je monte le volume juste. Ouais, je D'accord, l'entends, c'est voilà. Ouais, bon. t'avais dû l'enlever la dernière fois. Ouais. Je l'entends. Non, ouais, j'avais baissé le son, juste. Allez. Alors, attends, on va le faire un petit peu plus rapide. Normalement, on est à 140. Attends, je vais Alors, bah changer le écoute, métronome, le tempo, moi.